ce type de radar préventif se répand de plus en plus, essentiellement dans les agglomérations. Il a pour objectif d'inciter les usagers à jeter un coup d'œil sur l'indicateur de vitesse et à réduire leur allure. Je roule à 56 km/h et la tête du radar exprime un mécontentement. Si je roulais à une allure réglementaire, elle exprimerait une satisfaction. Je ralentis, bien entendu, pour la sécurité de tous. Réponse A.